Vanessa. Oui. Ah, attends. On te trouve un auditeur. Attends, attendez. Assis-toi, Florent. Gérard, assis-toi. Non, mais les caméras, il va falloir travailler là-dessus parce qu'ils sont largués là sur Fun TV.